De la première partie, Daniel, on s'était laissé sur les efforts. Mais avant d'entrer dans les efforts, j'aimerais ça qu'on reparle, que tu nous redécrives l'homme tel que tu le vois. Parce que tantôt, dans le passage, il y en a qui étaient mélangés pas mal. Il y en a qui aimeraient à ce que tu redéfinisses l'homme. Premièrement, lorsque l'intelligence frappe le réceptacle, frappe le cerveau, bon, que la conscience... Dieu, tu connais ça, Dieu? C'est mon voisin. Ça explique bien des choses. Notre voisin, c'est le diable, je pense. Non, c'est ton voisin, c'est le diable. C'est quoi, Dieu? Ça dépend du point de vue. Tout dépend des points de vue. Ça dépend du temps, ça dépend du plan dont on parle. Bon, ben, l'homme, c'est la même chose. Alors, l'homme, ça peut être un corps physique mâle. L'homme, ça peut être les corps physiques des humanoïdes, donc des structures hominales. Là-dedans va être inclus le mâle, la femelle et nécessairement l'enfant mâle, l'enfant femelle. Bon, ça peut être ça, l'homme. L'homme, pour la religion, l'homme, c'est une créature de Dieu qui est constituée, dans la majorité des religions, d'une trie de trois parties. De l'esprit, de l'âme et du corps. Le corps étant ce qui est de plus bas, l'esprit étant ce qui est de plus haut, la majorité des religions vont donc adorer l'âme. Ce qui est limite illogique. Bon. Maintenant, on continue. Pour la science, l'homme, c'est avant tout un corps physique qui est animé par une structure psycho-émotive puis qu'il peut y avoir un peu d'intellect là-dedans. Que la science appelle l'intelligence. L'homme, c'est pour l'ésotérisme un corps physique, un corps vital, un corps astral, un corps mental, un corps supramental, un corps bouddhique et un corps divin. Bon. L'homme, dans la réalité, c'est rien de ça. Alors, tu prends un corps physique, tu l'animes avec un corps vital, tu le révèles avec un corps vital, tu l'animes avec un corps astral, puis tu lui mets des connecteurs, des sorties périphériques, des connecteurs, des plugs, qu'on appelle le plan mental. Ça, c'est un véhicule planétaire. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un enfant, c'est un véhicule planétaire. Le véhicule physique, tu peux le prendre sexué. Il peut être sexué mâle, sexué femelle. Le plan vital va aussi être sexué à l'opposé des plans. Si c'est un plan mâle, le plan vital est femelle. Si c'est un plan femelle, le plan vital est mâle. Le plan astral est sexué comme le plan physique. Le plan mental est sexué comme le plan vital. Ça, c'est un véhicule planétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les égrégores astraux, lorsqu'ils vont traverser le véhicule planétaire, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un enfant. Lorsque le plan astral traverse le véhicule planétaire, en fonction des polarités sexuelles, on aura des expressions égrégoriennes caractéristiques de ce que lui-même appelait un mâle ou une femelle. Bon. Jusque là, ça va? Oui. Bon. Si tu comprends, tout le monde comprend. OK. L'intelligence supramentale, c'est de l'énergie. De l'énergie. Cette énergie-là, elle n'a aucune valeur intrinsèque. C'est-à-dire que ça ne vaut rien. C'est comme de l'or, ça vaut rien, c'est pas quelqu'un qui en veut, tu sais, ça vaut rien de l'or. Alors, l'énergie supramentale, lorsqu'elle touche le véhicule planétaire, constitué de ces quatre plans-là, lorsque l'intelligence supramentale touche cela, ça engendre un rayonnement qui s'appelle conscience. Le véhicule planétaire, sans le contact, n'y a pas de conscience. L'homme, ben avec le grand H, un homme qui tripe, l'homme réel, l'être réel, toi, tout le monde, là. Je ne sais pas si tout le monde, toi qu'un S, je ne sais pas si ça existe, pas parce que vous, c'est collectif, toi qu'un S, c'est tout le monde, mais individuel, ça a de l'allure, les profs de français, toise. Bon. C'est l'homme. Alors, toi, tu es ce qui rayonne, ce qui apparaît lors du contact avec l'ample intelligence et le véhicule planétaire. Ça, c'est l'homme. Maintenant, on doit comprendre que... Viens ici, petit papier. En l'an 4 milliards, laisse-moi arrondir un peu, en l'an 4 milliards, 500 millions, on va dire 875 227 ans, l'homme était présent sur la Terre. L'homme était présent sur la Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette année-là ici, depuis le début de l'apparition de la planète Terre, que je calcule là, et non pas depuis l'apparition du Nazaréen, ce qui est assez, n'est-ce pas? Alors, donc, l'homme était présent sur la Terre, il y avait la présence humaine sur la Terre. Pas la présence des véhicules physiques, parce que lorsque l'humain a commencé à être présent, il n'y avait même pas un véhicule comme le tien. D'ailleurs, plus s'en faut. Est-ce qu'il y avait seulement qu'un arme à ce moment-là? Non. Il y avait les quatre véhicules, un très atrophié mais utilisable, l'arme atrophiée mais moins atrophiée aujourd'hui, évidemment. On a atteint le summum de ce que Dieu aurait même imaginé. Il y avait un corps vital, il y avait un corps physique. Il y avait un contact avec l'intelligence, donc il y avait de la conscience. Ça, tu parles 4 milliards. On va dire moins. C'est quand ça? C'est avant ou après, là? Après le Nazaréen? Avant ou après? Non, ça, c'est à partir de l'apparition de la planète Terre. Ah. Disons, mettons, là, 30 000 ans, 35 000 ans. OK. À partir de maintenant. OK. On peut calculer d'un bord ou de l'autre. Bon. OK? Alors, donc, bien avant le Nazaréen, c'est bien évident. Là. Ça aurait été moins mélangeant de dire 30 000 ans. Bon, OK, de bord. Alors, à cette époque-là, l'homme, v'là 30 000 ans, v'là 30 000 ans, l'homme était présent sur la Terre. Là, c'est facile. Bon. Mais quand on dit l'homme, je ne parle pas des véhicules. Sauf que pour l'humain, c'est, je préfère humain que homme, moi là, en tout cas. Oui. Pour l'humain, sa présence semble être apparente à partir du moment où ses yeux se rappellent avoir vu des corps similaires aux nôtres. Un petit peu comme ça, là. Mais il ressemble à ça. Alors, pour l'humain dans l'astral, l'homme, c'est le véhicule planétaire. Moi, quand je parle de l'homme, je ne parle pas de ça. Ça veut dire que quand le véhicule planétaire, le corps physique, etc., meurt, l'âme qui ne fait pas partie de l'homme, de l'humain, gagne le monde de la mort, le corps physique réintègre le plan de la matière, le corps vital réintègre le plan vital, et le plan mental s'en va dans le périsprit du plan astral, donc dans le plan mental. Il ne reste plus de véhicule planétaire, mais il reste encore de la conscience, il reste d'un agrégat. On passe des petits détails là-dessus au niveau, par exemple, des doubles éthériques en croissance ou des entités moroncielles ou des entités éthériques. Il y a pas quelque chose qui va arriver. Et l'humain reste là, l'humain. Sauf que l'humain qui est présent dans le contexte planétaire, le 30 000 ans, aller jusqu'à là, 3h30, c'est un humain qui est extrêmement ténu, petit, minuscule, microscopique, atomique, quarksique. Très minuscule. De ce fait, la présence de l'homme, la présence de l'humain sur la planète Terre n'est pas évidente. Il y a beaucoup d'animaux humains, donc des autochtones, des natifs. Puis le natif d'une planète ne peut pas, lui ne s'en sort pas. Présentement, on a surtout des natifs, des autochtones planétaires ici. Bon. Quand l'intelligence descend dans les véhicules, et les véhicules, eux, deviennent donc nécessairement un outil qui va être utilisé par l'humain lorsque le véhicule va être capable de recevoir suffisamment d'humains pour que l'humain commence à utiliser. C'est, je veux peinturer ta maison, jusqu'à date, j'ai un droit de rentrer. Je peinture pas la maison, rien à faire, je suis là, mais ça paraît pas. Plus l'humain est présent dans le véhicule, donc plus il va y avoir de contact entre le véhicule et l'intelligence, plus l'humain va être présent. Plus l'humain est présent, plus l'humain devient le maître contrôleur des véhicules planétaires. Et là, l'humain va commencer à subtiliser, dans le sens rendre subtil, à sublimer, mais non, c'est autre chose, à subtiliser, mais pas dans le sens volé. Alors, l'humain va subtiler, comme ça, on ne fait pas d'erreur, les véhicules planétaires et nécessairement tous les outils qui sont reliés à ces véhicules planétaires-là. Les outils, au niveau du plan physique, ça va être la matière, ce sont des outils. On va raffiner, on va rendre technologique, on va rendre plus... on va rendre la matière humaine, donc le corps physique. L'outil majeur que tu sers, toi, c'est le véhicule planétaire qui est bâti de corps vital, de corps physique, de corps vital, de corps astral, de corps mental. C'est l'outil majeur que tu vas utiliser. La première chose que l'intelligence, que l'humain va faire, ça va être évidemment de prendre le contrôle de son véhicule planétaire. Et ensuite, ça va être de libérer, dans le premier plan, le corps physique de l'assujettissement matériel. Quand tu dis la première chose que l'humain doit faire, c'est prendre contrôle de son corps matériel, à ce moment-là... De son véhicule planétaire. De son véhicule planétaire, comprenant les trois autres parties. Oui, le physique, corps et les trois physique et les trois autres parties. OK. À ce moment-là, quand que tu dis l'humain va prendre le contrôle, est-ce que tu impliques le double de l'homme va prendre le contrôle? Non. Le double éthérique, c'est un outil. Outil. On met elle ici, pour okay. l'outil. OK. Alors, de la façon que je comprends ton explication, c'est que l'homme, c'est la fusion de tout ce qui va composer l'homme. Non. Non. Parce que si le double éthérique est aussi un outil, les quatre premières parties que tu as mentionnées sont aussi des outils. L'homme va être homme lorsqu'il sera immortel. Non, l'homme est déjà immortel. Les outils ne le sont pas. Il faut que OK, c'est en devenir. Ce que tu parles, c'est toujours en devenir. Non. Quand il va y avoir une fusion entre le double éthérique et l'âme, entre autres, le corps mental et le corps astral, il va y avoir une fusion entre un véhicule extraterrestre, donc qui n'est pas créé à partir de l'expérience planétaire ou de la matière planétaire, et des véhicules planétaires. Ça fait en sorte que, ici, maintenant, tu vas avoir un véhicule temporel, un véhicule spatio-temporel, on va dire un véhicule galactique, là, un véhicule planétaire avancé. Tu vas avoir un véhicule planétaire qui va avoir un plan physique, un plan vital, un plan astral, un plan mental. Puis quand il va y avoir eu la fusion, il va y avoir aussi un plan supramental. Et ça va devenir le véhicule planétaire, va être drôlement plus, bon, pas drôlement, c'est pas drôle, c'est intéressant, fascinamment plus utilisable et performant que le véhicule actuel. Au lieu d'être possédé par la mémoire, il va être possédé par l'intelligence. Il va être habité par nous. L'intelligence ne possédera même pas. L'intelligence, c'est une énergie, c'est un outil aussi. Alors, ce qui est exactement comme ici, ton cheval, ton auto est tiré et traîné par des chevaux, c'est donc une voiture hippomobile. Puis quand on va connecter un moteur, ça va devenir une voiture automobile. Donc, totalement différent. Alors, c'est la conscience. Avec la fusion. C'est la conscience du phénomène que tu appelles l'humain. Total. La conscience, c'est l'humain. Puis l'humain va être plus présent quand il va y avoir une fusion entre le double éthérique et le véhicule planétaire. Et parce que l'humain est plus présent, il va y avoir une expression dans le contexte terrestre, qui va être plus évidente. Alors là, l'humain va être plus là. L'humain ne tue pas. L'humain ne tue pas. Il n'y a pas d'humain sur la planète Terre, ça tue. Il y en a qui ne tuent pas parce qu'il y a des véhicules organisés pour ne pas tuer. L'humain ne jalouse pas. L'humain ne s'inquiète pas. L'être réel, l'humain, le vrai. Bon, mais les archaïcités planétaires le font. Un humain, c'est un immortel. C'est évident. Bon, OK. Il sait pas, c'est évident. Je dis ça pour te faire plaisir. En réalité, c'est pas un immortel. C'est un éternel. L'homme est loin d'être humain. La femme aussi. C'est toi qui le dis, pas moi. Justement, c'est fiable. Oui, OK. Ben, vu de ce point-là, c'est partant de cette définition-là, il faut regarder, c'est justement, ça dépend des points de vue, il faut regarder... Oui, après ça, c'est... Non, on parle d'un éternel. Au lieu de dire... Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de dire, Daniel, au lieu d'appeler l'humain l'éternel? Là, on aurait compris bien plus facilement. Nos bases seraient plus simples pour comprendre. Oui et non. Parce que c'est plus simple maintenant que j'ai fait le discours. Oui. Comment? Oui. Parce que l'humain est c'est qu'on est tellement loin, tu sais, on est à des siècles d'être éternel. Premièrement, dans le cosmos, il n'y a pas beaucoup d'éternels. Il y a beaucoup d'immortels, mais il n'y a pas beaucoup d'éternels. Ah, ça, c'est évident, les éternels, ça fait que là, tu sais, on parle de quelque chose qui va arriver dans 10 000 ans. Peut-être, puis encore, même qu'on soit rendu là, peut-être qu'on va, on va avoir d'autres calculatrices pour ça. Avec des meilleures mémoires. Bon, alors, tout ça. Ça va, c'est le côté humain, là. Parlons de l'effort, maintenant. Au peu à peine. pas l'effort pour devenir éternel. Allons vers l'immortalité pour commencer. OK. Tantôt, on a mentionné que ça doit être facile. Lorsque ça se fait, c'est facile. Mais à travers tout ça, Daniel, n'y a-t-il pas... L'évolution est rendue à un point où qu'il faut que l'homme se détache de l'évolution collective et qu'il fasse son évolution individuellement. Oui et non. C'est parce que... Vois-tu, l'outil, est-ce que tu es d'accord que le premier outil aujourd'hui, que l'homme, la meilleure outil que l'homme peut utiliser en dehors de son cerveau, là, c'est la parole. Pour justement, être en mesure de mesurer sa conscience. Parce qu'avec la pensée, il ne mesurera pas sa conscience, il va se faire avoir. C'est l'astral qui contrôle sa pensée. Il mesure l'expérience. Avec la c'est pensée. Ça. Alors, c'est la parole. La parole étant l'outil qui est le plus juste pour lui amener son niveau de conscience exact, ou le plus proche de l'exactitude. Mais c'est ce qui permet à l'humain, à l'être, de s'exprimer dans le contexte. Ta conscience, Tu vas être capable, toi, de reformer tes outils, de reprogrammer ton ego, tes véhicules planétaires, en exprimant ta conscience. Puis le premier véhicule d'expression de la conscience, c'est la parole. Donc, un individu qui se remet en question en réfléchissant est un individu qui est en train de se faire fourrer. C'est ça. OK. Je m'éloigne de l'effort, là. OK, ça devrait être facile. Tout doit être facile lorsque c'est ce qu'il y a à être fait. Qui a dit ça? Tout devait être facile. C'est moi. Lorsque ça se fait facilement, c'est que c'est le temps à ce que ça se fasse. C'est-à-dire que lorsque ça se fait, c'est le temps. Puis nécessairement, pour un ego qui voulait le faire, bien, il considère que c'est facilement que ça s'est fait. OK. Mais je vais t'expliquer que je sais. Qu'est-ce que l'effort? Qu'est-ce que facilement? Qu'est-ce que difficilement? Toutes tes structures astrales s'en vont là. La vie, dominée par ton intelligence, s'en va ici. Est-ce que ton déplacement vers l'intelligence est une chose facile? La réponse, non. Alors là, tu pourras dire, je me conscientise, mais juste dans les problèmes, juste dans la misère, juste dans l'iniquité, dans l'injustice, c'est difficile, c'est souffrant, bordel, quand est-ce que je vais m'en sortir? Tes véhicules sont des véhicules inappropriés à la facilité. Ils peuvent être extrêmement utilisables pour la conscientisation, mais ils sont inappropriés à la facilité. Ce que je vous dis là, c'est que la souffrance, qui est la base de la vision polarisée de l'humain, sans souffrance, l'humain n'est pas dans un monde duel. La souffrance, l'humain s'en sert sans arrêt. La preuve de la mémoire, c'est la souffrance. Quelqu'un qui souffre concrétise dans sa conscience qu'il y a de la mémoire. Alors, l'humain étant un être de mémoire, l'humain planétaire, là, l'homme, l'animal, l'autochtone étant un être de mémoire, créature du temps, il a besoin de la présence de la souffrance, c'est sans arrêt, pour être capable de continuer à voir un monde polarisé qui lui confirme la présence de la mémoire de l'astral, autrement dit, qui confirme le monde dans lequel il a été conçu, le monde dans lequel il vit. Ce que je veux dire, c'est que toi ici, par exemple, tu as des véhicules planétaires qui te permettent la conscientisation, mais ces véhicules planétaires-là ne te permettent pas une conscientisation facile, ils te permettent une conscientisation... Les conscientisations, et parce que toute ta structure astrale, pas la qualité, mais la texture, ce qui constitue ton astralité, ne va pas dans le sens de ta conscientisation, donc dans le sens de l'incarnation de ta présence dans ton corps physique, nécessairement, l'humain qui est bâti de même va souffrir pendant la conscientisation. Ce que je veux dire, c'est que si tu as arrêté de fumer telle date et que ton ego travaille dans un sens qui est différent, n'importe quel sens différent, tu vas aller vers l'arrêt de la cigarette en souffrant. Si ton ego travaille dans le sens de ta conscientisation, tu vas aller vers l'arrêt de fumer, du fumage, facilement, sans souffrance, mais ça ne veut pas dire que ça ne te prendra pas les mêmes 10 ans. Ce que je dis, ça peut te prendre le même 10 ans, mais tu vas y aller facilement. Facilement ne veut pas dire que tu l'as tout de suite, mais sans souffrance. C'est parce que tu es prêt à ce moment-là. Non. Tu vas cesser de fumer quand tu vas être prêt, mais tu peux passer 10 ans à vouloir cesser de fumer et ne jamais en souffrir. C'est donc facile de te diriger vers la cessation de la cigarette. Et tu peux passer 10 ans à te diriger vers le temps puis souffrir. Ça dépend de la programmation de l'individu. Regardons ceci. Pour moi, je fais, et vous devriez tous faire une différence marquée entre souffrance, difficile, facile et réussi. OK? Très, très, très important. Quelqu'un qui pense qu'une chose facile, si c'est facile, tu le réussis comme ça, il ne sait pas ce que c'est que la facilité. Difficile ne veut pas dire que tu ne le fais pas. Regarde, si c'est facile, il le fait comme ça. C'est difficile. Ah, difficile ne veut pas dire que tu ne le fais pas. Difficile veut dire que tu peux le faire en souffrant. Mais facile veut dire que tu le fais tout de suite. Alors, les mots ne sont pas purs. Quand je le réussis, je cesse de fumer, c'est le temps. Mais je souffre peut-être. J'ai de la misère, je souffre, je lutte. Je ne recommence pas à fumer. Donc, c'était le temps. Mais ça n'a pas été facile. Mais c'était le temps. La preuve, je peux recommencer. Un autre, lui, il cesse de fumer, là, c'est le temps. Puis lui, il n'en souffre pas. C'est autant le temps que l'autre qui souffre. Mais lui, c'est facile. Facile ne veut pas dire qu'il l'a tout de suite. Veut dire, c'est facile. Si l'individu avait un karma à brûler, Daniel, qui brûle son karma, lorsqu'il arrive, lorsque son karma est brûlé... Ouais, karma, là, c'est plutôt... Karma est brûlé, la facilité s'instaure dans qu'est-ce que c'est qu'il y a à faire. Non, pas chez l'humain. Il y a des personnes ici qui ont moins de karma qui peuvent penser. Le gros du karma, c'est un karma relatif. Quand tu dis pas chez l'humain, tu veux dire quoi, là? Pas chez les Autochtones. C'est Daniel. Autochtones. Tu parles-tu des animaux ou si tu parles de quoi tu parles? Je sais pas. Parle des gens. Les gens actuels. Toi. Les gens actuels. Le monde. Ah, c'est bien. Moi, je te suis plus, là. Bon, juste pour le monde? Non, parce que je sais pas de qui tu parles, là. Tu sais... Là, présentement, je parle des véhicules planétaires, l'intelligence qui est un petit peu dedans, puis le rayonnement de la conscience. Je parle de toute l'affaire au complet. C'est-à-dire de l'humain et ses outils. So, tout être sur la planète est constitué comme ça. Oui. Tu parles de ceux-là, là. Oui. De tous en général. Oui. Okay. Il y en a qui ont un peu plus de présence, sont un petit peu moins là. Réussir, ça ne veut pas dire que c'est facile. Il y en a qui travaillent des années et des années dans la vie. C'est extrêmement difficile, puis ils réussissent. À ceux qui vont dire, si tu veux réussir, il faut que tu travailles sans arrêt. Bref, ça va être difficile, mais tu vas réussir. Il y en a d'autres, eux autres, leur plan de vie est fait en leur fonction. Ils vont travailler les mêmes 10 ans, ils vont s'amuser, ils vont trouver ça facile. Et eux vont te dire, si tu veux réussir, il faut que tu t'engages jamais dans rien de difficile. Bon, mais c'est la minorité qui vont dire ça, parce que l'humain ne marche pas dans les choses faciles. C'est pas méritoire. Si quelqu'un a la facilité de regarder dans la mémoire du futur les deux chemins individuellement de chaque personne, il va s'apercevoir qu'il y en a un qui avait un karma à brûler plus pesant que l'autre. Oui, et il va s'apercevoir, si on regarde plus loin, que celui qui avait un karma plus pesant à brûler avait inconsciemment et involontairement accepté de brûler un karma inutile qui aurait pu se débarrasser n'importe quand sans le brûler. Avait-il les corps pour le faire, Daniel? Non, lui, non. Bon, alors, il fallait qu'il ait le corps pour le faire, pour en arriver à être capable de le faire. Mais son karma, il reste au temps relatif. Oui, mais il va se faire accrocher un autre tantôt s'il ne l'a pas fait. Sauf que plus nous on en parle, plus on a des ingrédients pour nous permettre justement de rejeter un karma qu'on n'a pas besoin. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. C'est sûr que je suis l'autre là-bas qui n'est pas ici, non. Lui, il est fait. Encore plus que nous autres. Oui. Bon. La souffrance, c'est ce qui permet à l'humain d'avoir une vision polarisée. Si tu ne souffres pas, tu n'as pas de vision polarisée. Le bien, le mal n'existe pas, le bon, le mauvais, etc. La souffrance est absolument essentielle à l'humain planétaire, à l'ego, à tout ça. La souffrance, c'est sa source de vie. Toi, quand tu ne souffres plus, égoïquement, tu ne vis plus. Tu es débranché, tu es perdu, tu n'avances plus. Et sur le neutre complet et total. Puis tout le monde, c'est comme ça. De ce fait, toutes les structures sont organisées pour que l'humain souffre. Puis en fonction de ta capacité à te mettre sur le neutre rapidement, on va déterminer la dose de souffrance qu'il faut que tu ramasses. Pour rester dans un monde d'illusions. Nous n'avons pas besoin de souffrir. La souffrance appartient uniquement aux êtres qui ne sont pas... conscients aux êtres qui sont endormis. La souffrance leur permet de rester en vie malgré qu'ils dorment. La souffrance, c'est le rêve. Évidemment. Bon. Mais pour se rendre là, il faut que l'homme soit, il a fallu qu'il souffre pour se rendre au-dessus de ça. Il n'a pas fallu qu'il souffre. Il a souffert. Bien différent. Bien. Si quelqu'un aurait regardé dans la mémoire du futur, il aurait vu la souffrance qu'il devait passer à travers. Alors, on ne pouvait pas la changer, Daniel. Oui, on peut le changer. Toi, tu... Dans le passé, je te parle. Comme beaucoup d'humains, c'est que tu rapproches beaucoup souffrance avec plein de vie. Plein de vie. Au niveau éthérique en montant. La souffrance est une mécanique spirituelle. La souffrance, ce n'est pas réel. La souffrance, c'est une mécanique spirituelle. Les êtres spirituels sont des êtres qui souffrent. Lorsque le cerveau de l'homme est rendu au niveau spirituel, il faut qu'il souffre pour défoncer. Il ne faut pas qu'il souffre. Il va souffrir. Il a fallu qu'il souffre dans le passé. Dans l'avenir, moi, je ne peux pas voir dans la trame de l'avenir. Parce que toi, tu t'assois toujours ce côté-là, puis tu regardes toujours à gauche. Tu regardes le passé, tu sais. Ouais. Moi, c'est pour ça que je me suis toujours choisi cette place-là. Moi, je regarde à droite. Ouais. Il faut des fois dans l'avenir. Laisse faire dans la troisième partie. C'est moi qui vais avoir le micro. C'est tellement facile à comprendre. Ben oui. Absolument. Regarde le Nazaréen. Il n'a pas souffert. Ils l'ont mis sur la croix, puis il a fait ce qu'il avait à faire. Puis après ça, il n'a pas souffert. Ah non. Il n'a pas souffert. Une partie de lui n'a pas souffert. La partie qui n'était pas spirituelle n'a pas souffert. Lui, il a vu la réalité puis il l'a accepté, la souffrance. Il l'a pas accepté, il n'y a pas de souffrance. Tout à l'heure, avec des gens, je parlais de l'écœurement. L'écœurement, quelqu'un qui ne change pas, ben, il n'est pas écœuré. Un être humain qui change est un être humain écœuré. Mais pour la majorité des gens, eux, ils font un parallèle entre « je suis écœuré si je souffre ». Mais si je ne souffre pas, je ne suis pas écœuré. Alors, il y a du monde qui souffre, là. Il souffre. Mais ils viennent dire « hey, je suis écœuré comme jamais été écœuré ». Ils ne sont pas écœurés. Ils souffrent comme ils n'ont jamais souffert. Mais ils ne sont pas écœurés. Leur écœurement est 1 sur 100. Leur souffrance est 90 sur 100. Eux, ils s'illusionnent que leur écœurement est à 90. Ils ne sont pas écœurés du tout. Ils ne sont pas écœurés du tout vu de tes yeux à toi qui les regardent de l'extérieur. Mais si c'est le plus haut niveau d'écœurement qu'ils connaissent dans leur vie. Non, c'est plus haut niveau de souffrance. Pas d'écœurement. Un être humain écœuré complètement change. Et il peut être écœuré complètement avec le grand sourire aux lèvres, parce qu'il ne souffre pas. Mais ça ne l'empêche pas d'être écœuré, ça. L'écœurement et la souffrance, ça n'a rien à voir. L'écœurement, c'est l'être intelligent qui s'écœure. L'être spirituel, il souffre. Puis l'humain en transition, lui, il souffre, puis il s'écœure, puis il souffre, puis il s'écœure. Puis lui, il pense que quand il souffre beaucoup, il est écœuré. Voyons donc. Mais on ne pourrait pas utiliser un autre mot que écœuré lorsque l'individu le comprend. Non, il est écœuré. Puis il n'est pas choqué. Irrité, écœuré, pareil. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, je disais qu'il faut que l'humain arrive à être écœuré de l'écœurement. La vision spirituelle de l'écœurement, c'est la souffrance. Mais il y a des gens qui souffrent sans arrêt, ils ne changent absolument rien. Toute leur vie va rester la même. Il y a des choses un qui emploi qu'il n'aime pas, il part. Il va se trouver un emploi qu'il n'aime pas, il part. Il va se trouver un emploi qu'il n'aime pas, il part. Là, il dit, ah, là, je suis écœuré. Mon œil, il n'est pas écœuré. Il souffre, mais il n'est royalement pas écœuré. Un cheminement tel que tu viens de le décrire ne forme pas le corps mental? Ne forme-t-il pas le corps mental? Oui. Alors, il avait une raison. Il fallait qu'il passe par ce chemin-là. Il n'y avait pas de pédagogue qui pouvait lui dire, va pas là. Il fallait qu'il passe à travers. Il fallait pour pas qu'il passe rendre. À travers, il passe à travers, puis je n'ai pas le bol que les gens passent à travers parce qu'ils n'ont pas besoin de passer à travers. Exactement comme tu t'en viens, tu t'accroches un gros sac à dos sur le dos, là, puis là, tu travailles des années à apprendre à le lever pour pouvoir arriver jusqu'ici, le mettre sur la chaise, puis le lâcher. Tu sais, il fallait que le gars se renforce pour arriver à s'en débarrasser. Il fallait qu'il ne l'accroche pas. Même s'il serait resté une feluette de la conscientisation, il est retraversé. Un exemple. Comment faire pour écœurer... Tout à l'heure, je répète le même exemple. On a un jeune de 12 ans, par exemple, aujourd'hui, qui joue qu'une poupée. Toujours des poupées, lui. Okay? Une poupée en bois avec des 3-4 poils, puis une petite poupée qui est toute désarticulée, qui n'a pas de moteur, il n'y a pas rien. Bon, c'est une cochonnerie. Comment faire pour l'écœurer de la poupée? Il y a un paquet de façons. Mais il y a une façon qui est intéressante, ça va être de lui donner, par exemple, un ordinateur. Là, tu vas l'écœurer instantanément de la poupée, mais il n'aura jamais souffert, par exemple. La souffrance, là, vu qu'il est écœuré, il change totalement, il ne joue plus avec la poupée, il joue avec l'ordinateur. La poupée, il ramène le pas là, il n'a rien à faire, il vient de changer. Il a changé parce qu'il était écœuré de la poupée, il a changé automatiquement et sans souffrance. Sauf que, normalement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le punir, on va le battre, on va, etc. Toute la mécanique que l'humain se donne, dans laquelle il va se vautrer, uniquement parce qu'il spiritualise la vision même de l'écœurement. Moi, quand je suis écœuré, je change. Je ne souffre pas, je change. L'écœurement, c'est une énergie majeure. J'ai donné un séminaire sur la colère mentale à un moment donné, colère mentale douce, puis je disais aux gens de se laisser envahir par l'écœurement, pas par la souffrance. Tu regardes une chose que tu n'aimes pas, tu trouves ça épais, tu trouves ça idiot, observe, laisse-toi envahir par l'écœurement. Puis quand tu es suffisamment écœuré, tu changes. Tu mets le ménage, tu fais le ménage, tu déménages, tu changes. Tu n'as pas besoin de souffrir. Les gens qui souffrent en attendant d'être écœurés vont souffrir, peuvent souffrir éternellement. Oui, mais... Éternellement, je suis... Non. Non, de moins en moins. Longtemps. Longtemps. C'est sûr que ce que tu dis de ton point de vue, c'est ça. Absolument que c'est ça. Oui. C'est comme le médecin qui dit à son patient, cesse de boire des verres de vinaigre, ça crée des ulcères d'estomac. Du point de vue du médecin, il a raison. Mais le patient, il aime le vinaigre. Du point de vue du patient, cesse de boire du vinaigre, là, c'est une souffrance aussi atroce que le brûlement d'estomac. Puis, peut-être. Mais écoute le point de vue du médecin, c'est lui qui a raison. Alors, du point de vue de l'autre, si tu veux jouer le même, on peut jouer le même. Mais c'est le médecin qui a raison. Il n'y a rien à faire. La loi du médecin est plus forte que la loi du patient. Et le patient, s'il reste dans son énergie, il va envoyer promener le médecin. Écoute, moi, le vinaigre, j'ai besoin. Tu sais, il ne sait pas c'est quoi la souffrance de ne pas boire de vinaigre aujourd'hui. Toi, tu ne sais pas c'est quoi le plaisir de ne pas boire du sel à l'estomac. Mais le médecin a raison. Quand je te parle de ce que je te parle là, c'est sûr que si on amènerait toujours notre ego en disant, oui, mais mon ego, moi, il s'ennuie quand. Je le sais que ton ego, il s'ennuie, que ton ego veut ci, ton ego veut ça. Ce que je te dis, c'est que je m'en fous royalement de ton ego. Puis que si tout ton ego, puis toi au complet, vous voulez cesser d'être dans la misère, d'être dans la merde, de broyer chaque jour, bien, vous devez appliquer ce que je dis là. Puis, de mon point de vue, oui, mais j'ai raison. T'sais, je vois là où tu ne vois pas. Absolument. En faisant ce que je dis, tu arrives. C'est ça. Exactement. Bon. C'est ça qui fait la différence entre l'évolution collective et l'évolution individuelle. Bon, j'essaie. Regarde bien. Je regarde. Le bonhomme qui marie sa fille, Un homme n'arrive pas à se lever, pas ici. Qui sait... Ouais, mais alors, c'est illégal. Qui sait que le bonhomme qui va marier, c'est pas pour lui. Elle va avoir des problèmes avec. Ça ne durera pas plus qu'un an ou deux. C'est sûr que si il est capable, mais aujourd'hui, ça c'est de plus en plus difficile, là, de faire comprendre ça à sa fille qui est en amour par-dessus la tête avec le gars. Il faut qu'elle marie et qu'elle vive. Deux ans après, elle va dire non. Papa avait raison. Non. Mais si elle est à ce niveau-là, Daniel, qu'il faut qu'elle vive l'expérience, elle ne pourra pas se fier, même si son père. Non, je ne devrais pas dire ça. Non. Même si son père est un très haut niveau vibratoire, s'il faut qu'elle vive l'expérience, elle va le vivre. Non. Bon. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup à date, là. Un jour, ça va venir comme ça, parce que l'être, il va avoir le corps, le cerveau plus fort. S'il faut qu'elle vive, elle va le vivre. C'est ce que tu dis? Oui. Moi, ce que je te dis, c'est qu'il ne faut pas qu'elle vive. Ben, je suis bien d'accord qu'il ne faut pas. Moi aussi, disons, je le verrai. Mais qu'est-ce que c'est que l'enfant? Il ne faut pas qu'elle vive, mais elle va le vivre. Ouais. Si tu l'empêches, tu vas peut-être créer... Mais il ne faut pas que tu l'empêches. Un problème bien plus grave. Il ne faut pas que tu l'empêches. Elle n'a pas à vivre ça, elle va vivre ça, puis toi, tu la laisses aller. C'est un pédagogue. Ben, c'est ce que je dis, t'as pas honte. Mais non, il y a des nuances. Elle n'a pas à vivre ça pour comprendre. C'est possible qu'elle vive des situations de même toute sa vie et qu'elle ne comprenne jamais rien. Si elle se met sur la trame de son père, qui a toujours raison, disons, là, hein, que comment va-t-elle être en mesure... et d'évoluer par elle-même, parce que papa dit, marie pas celui-là, marie celui-là, à servir de bord, parce qu'elle s'en va avec celui-là. Si elle fait comme ça... Ça, c'est de l'évolution de 300 ans, ça. Si elle fait comme ça, elle se conscientisera pas. Puis si elle se marie, elle se conscientisera pas plus. Mais si elle écoute le bonhomme qui a toujours raison, elle se conscientisera pas plus, elle va vivre mauditement plus heureuse sa vie inutile. Et puis, si elle se marie et elle n'écoute pas le bonhomme, elle ne se conscientisera pas nécessairement plus. Elle va vivre d'une façon très souffrante sa vie inutile. Si elle n'est pas en mesure de voir ce que le bonhomme dit, que ce n'est pas un gars pour lui, puis d'éliminer l'attirance, le grand amour qu'elle a pour le bonhomme, pour le jeune, là. Pas pour le bonhomme, mais pour le jeune. Si elle n'a pas la facilité d'éliminer cette attirance-là qui est... Il faut faire de la pédagogie. L'humain n'a pas besoin de passer par ça. Il y a des façons de faire en sorte que l'humain ne passe pas par ça. On s'en va vers ça. Mais présentement, c'est... Présentement, c'est le temps. Là. C'est le temps. On peut en parler. Là. Qu'est-ce que le bonhomme devrait faire? Premièrement, il aurait dû commencer à pédagogiser sa fille depuis longtemps. Mm-hmm. Bon, mais il ne l'a pas fait. Hier, il est allé à la taverne, puis subitement, il a eu un contact avec l'intelligence. Il rentre chez lui le matin ici. À partir de maintenant, que sa fille ne peut pas aller avec ce gars-là, mais avant, il ne peut pas y expliquer. Le bonhomme n'est pas au courant. Il faut qu'il parle à sa fille. Si c'est un pédagogue, il va y aller avec la base fondamentale qui habite chaque être humain, la voix fondamentale dans l'humain, même dans l'ego, qui nous permet de laisser s'exprimer l'intelligence. Comment savoir si un être humain est intelligent? C'est facile. S'il y a un contact avec l'intelligence, il y en a tous. C'est gelé. Toi, il faut que tu viennes réveiller cette corde-là. Veux-tu, dans ton avenir, veux-tu souffrir? Mais maintenant, t'es la fille, elle répond. Veux-tu souffrir? Je connais ta prochaine question. M'en fous, elle ne sait pas. Elle n'est pas comme la fille. Oh! Elle peut connaître son père. Veux-tu souffrir? Non. Bon. Veux-tu être malheureuse? Non. Bon. Qu'est-ce... Puis là, moi, je vais continuer. Faut que je connaisse ton gars, là. On passe pas, tu sais, c'est une discussion de deux heures. On fera pas ça dans la deuxième ou la troisième partie. Moi, à un moment donné, tout ce que je vais te dire, c'est que là, présentement, je vais te donner suffisamment de vision que quand tu rencontres ce gars-là, t'es déjà limité. Tu fais pas ce que tu veux. T'as peur qu'il soit jaloux. Bon, t'es déjà en train de te pourrir. Moi, je te le dis. Toi, tu l'observes toi-même. Oui, mais ça va changer. Je vais me marier, ben, on va être bien. Pas de problème. Moi, ce que je te dis, c'est que ça, tu le vois, ça? Parfait. Puis si tu maries ce gars-là, on a jasé, là. OK? J'amène ta trame intelligente. Moi, je te dis simplement que tu te casses le nez, puis tu t'en vas en plein, tu vas souffrir. Ouais. Tu manques ton coup. Ouais. Mais bon mariage. Intendissant, on va se marier pareil. Ouais. Okay? Parce que là, je ne l'ai pas pédagogisé depuis l'âge de 2 ans, moi, là. OK. Mais la deuxième fois, troisième fois, là, c'est pas long que la fille elle va cesser de vivre ce que normalement, tu vas dire, elle aurait eu à vivre, elle ne le vivra plus. Oui, mais après 2-3 fois, même si elle n'avait pas un père, elle ne vivra plus. Non, il reste 10 ans avec la même bonne femme, avec le même bonhomme à saillir, puis s'engueuler, puis se détester, puis reste ensemble. Ça dépend. Quand ils divorcent, recommences-tu avec un autre pareil? Ça dépend. Puis c'est très difficile, parce qu'on prend des exemples. Que tu t'amènes. Comme toi, oui. Que je t'amène, mais que toi, tu remplaces le bonhomme. C'est ça. Moi, j'ai pas dit le bonhomme s'il va s'appeler Daniel Kemp, puis il va avoir le taux vibratoire de Daniel Kemp. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai pris quelqu'un dans la masse. J'ai dit que cette personne-là. Où tu viens de prendre ça, cette affaire-là, voilà. Bon. Moi, ce que je veux qu'on comprenne bien. Présentement, tout avance correct. Tout va vers le mieux. Il y a des individus qui sont extrêmement fascinants, qui, si sa photo, s'ils tombent ou s'ils tiennent debout. Des individus qui rejettent leur futur. Pourquoi? Parce qu'ils rêvent d'y aller. On commence à s'y en rapprocher. La panique pogne parce qu'ils ne veulent pas y être. Ils veulent y aller. Ils ne veulent pas y être. Ils veulent y aller. Tu comprends la différence entre un et l'autre? Ils ne veulent pas y être. Ils veulent y aller. Oui, OK. Bon, si tu es rendu, tu ne peux plus y aller. Comme ton rêve astral, c'est d'y aller. En étant convaincu que tu auras toujours à te battre, tout en prétextant sans arrêt que tu ne veux pas te battre, que tu ne veux pas que ce soit dans 50 ans, que tu veux que ce soit tout de suite, quand ça commence à se rapprocher, tu sacres ton camp, et en sacrant ton camp, tu vas dire « je m'en vais parce que c'est trop lent ». Exactement. Tu viens de décrire une observation de quelqu'un qui n'a pas le niveau vibratoire suffisamment haut pour éviter à vivre l'événement. Exact. Et là, s'il a de bons outils, au contact d'un pédagogue comme moi, il peut, s'il vient me jaser, s'arranger pour traverser sans vivre toutes les merdes qui, selon la structure astrale, l'attendent. Oui. Mais ça ne l'attend pas. Ce que tu décris là, oui. Il y a un crocodile qui est là, qui boille au corneille, là, tu t'engouffres dans sa gueule. Ah, bien, tous les spirituels vont être les premiers à dire, ils t'attendaient. Le temps ferme. Dans ce que tu as dit, tu as mentionné. Dans ce que tu as dit, tu as mentionné un pédagogue comme moi. Puis qu'il y en a combien présentement? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais écoute, d'ailleurs, toi, tu n'es pas disponible. Tu es disponible durant une conférence. Puis les cours, il faut que tu vives ta vie. Tu as un tas de choses à faire. T'as pas le, tu peux pas t'occuper de tout le monde. Ça fait que dans un cas comme tu viens de mentionner, je suis entièrement d'accord. Tu es une antenne très puissante. Tu attires des énergies fortes que tu es capable de transmettre. Ça va. Mais moi, je te parle de ce qui se passe dans le monde présentement. Dans la ville de Montréal, dans la ville de New York, dans d'autres villes. Oui, ça se passe uniquement parce qu'on n'applique pas ce qu'il faut appliquer, parce que les gens comprennent pas. Parce qu'il n'y a pas des gens comme toi partout. Ben exactement. Bon, ben ça, c'est évident. Ça, c'est évident. C'est moi, mais... là. Non, c'est le contraire, pardon. Mais non, je t'en laisse plus que tu m'en laisses. Je la comprends pas, mais c'est... La seule chose que je comprends, c'est qu'avec ce que j'ai dit, en étant d'accord, c'est toi qui me devrais s'intéresser. Que dans ton exemple, je suis d'accord. Non, mais moi, je parle... Je parle en général. Oui, mais général ne doit jamais généraliser se rendre même à l'évidence. Pour qu'on... Pardon? Un général ne doit jamais se rendre même à l'évidence. Non. Quand tu parles en général, toi, là. Oui, mais il y en a qui auraient été bien mieux de se rendre. À l'évidence. Non, de se rendre, ça aurait sauvé bien des vies. Mais ils étaient manipulés. Absolument. Il fallait que les autres passent là-dedans. Absolument. Il fallait que la merde roule. Absolument. Et non. Et non pour l'avenir. Mais dans ce qui n'a pas été vécu encore. Vers quoi nous dirigeons-nous? Ayant des cerveaux plus forts, plus puissants. Vers quoi nous dirigeons-nous? Vers le passé ou vers l'avenir? Vers l'avenir. A ou B? Vers l'avenir. Donc, c'est utile de parler tout de suite vers l'avenir. Là, c'est maintenant vers l'avenir. Absolument. Donc, c'est pourquoi je te répète qu'il y a des individus actuellement qui sont prêts. je me choque pas encore, mais je commence à me choquer un peu, pas me choquer, mais à me connecter hors conférence, puis au détri, disons, en apeurant un peu mes amis ou à leur déception, parce qu'ils pensent que je me choque. Mais je me connecte. C'est-à-dire, quand je suis connecté hors des conférences, les gens, ils pensent que je suis en colère. Et les gens me branchent, là. Ce n'est pas nécessaire de vivre de la souffrance. La souffrance, elle est pas, c'est pas vrai. Tu me colores télépathiquement. Pense par là-bas un petit peu. Bon. La souffrance, c'est une condition terrestre. Au même titre qu'un nuage de mouches noires. Passe dedans, moustiquaire pour moustiquaire, avec un produit ou pas de produit, ou passe à côté. L'humain, ce qu'il se dit, bien, l'humain, il passe dedans parce qu'il se dit qu'il n'y a pas le choix de passer dedans, puis il reste dedans. Bon. Puis comme l'humain, il reste dans un immense, immense, immense nuage de moustiques noires de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, il est convaincu que l'univers au complet est bâti de mouches noires. Bon. Puis l'humain, il peut très bien faire son monde ailleurs que dans le vaste nuage de mouches noires. Souffrance, l'humain en a besoin. Je connais, je pourrais, je me choque pas, mais je pourrais. Le gars ici, là, c'est un gars qui adore souffrir. Bon, mais le gars aussi, la souffrance, c'est ce qui vous pète, c'est ce qui vous fait pas croire que vous êtes là. C'est ce qui vous permet en même temps de continuer à vous revoter dans l'illusion du libre-arbitre. Si tu souffres, tu travailles pour t'en sortir. Puis en même temps, tu te dis, impossible, je suis fait pour être là-dedans, mettre là-dedans. Mais en même temps, tu continues à travailler pour t'en sortir. Tout ça au complet, là, l'humain doit abandonner ces mécaniques-là. Je ne dis pas que toutes les structures planétaires qui te permettent de vivre la souffrance vont disparaître du jour au lendemain. Mais il faut qu'il y ait une déconnexion qui se fasse au niveau du plan de l'humain. Ce que tu dis, c'est totalement ça. En autant que l'individu a le taux vibratoire suffisamment haut pour premièrement savoir qu'il y a un nuage de mouches, puis pour être en mesure de le contourner, tant et aussi longtemps qu'il est aveugle, le gars, ouais, qui est aveuglé, puis qu'il ne voit pas, puis qu'il n'est pas capable de se conscientiser au fait que peut-être qu'il pourrait le contourner, ouais, le nuage, il va passer dedans. Mais quand ça fait cette fois qu'il passe dedans, là? Non, c'est pas la répétition des fois qui fait que l'humain change. Bien, ça dépend du taux vibratoire qu'il a. Oui, mais c'est pas la répétition des fois. Si une fois suffit... Il ne passe jamais là-dedans, puis il y en a qui vont passer des milliers de vies là-dedans, c'est pas la quantité de fois que tu te casses la gueule que tu finis par essayer de te la casser. Qui nous a dit que dans d'autres vies antérieures, tu n'as pas passé dedans? C'est pas la quantité, je parle maintenant. C'est pas la quantité de fois que j'ai passé là-dedans dans les vies antérieures qui fait qu'aujourd'hui, je passe plus. Je reviens à ce que je disais tantôt, Daniel. Si tu as le taux vibratoire suffisamment haut pour comprendre la situation, tu n'y vas pas dedans. C'est ce que c'est que tu viens de décrire pour toi. Je suis entièrement d'accord. Oui, il y a pire mais que ça. Juste là. Il y a des personnes ici qui ont le taux vibratoire suffisamment élevé pour ne pas passer dedans et qui vont quand même passer dedans. Après qu'ils vont y avoir passé dedans, là, la fois suivante... Ils vont probablement encore passer dedans. Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas le taux, ça n'a pas haussé le taux vibratoire suffisamment mais non, pour l'éviter. Dedans, ça n'hausse pas le taux vibratoire, ça le rabaisse. Je pense pas, moi. Ah oui? La petite fille, tantôt, là, qu'on parlait, là, qui s'est mariée, là. Ah, c'est mariée, là. Quand Daniel, là, quand elle a vécu la souffrance, là, le bonhomme a deux, trois maîtresses, puis tout le kit, puis tout ça, là, ses illusions, là, elle se les efface, là, du portrait qu'elle avait du bonhomme. Elle les efface. Oh, OK, du bonhomme, mais elle va placer ses illusions, c'est un autre bonhomme. Bon, mais oui, mais c'est justement... Elle ne changera pas pour ça. Oui, il y en a qui changent. Pas pour ça. Il y en a qui... Ben, pas pour ça. Ça enlève les illusions, ça permet de prendre des prises de conscience. Non, ça, c'est l'explication spirituelle qui permet à l'humain de continuer à accepter la souffrance. De toute façon, je reviens à une chose, peut-être que ma défense n'est pas bonne, mais je reviens à une chose. Tant et aussi longtemps que l'humain n'a pas le taux vibratoire suffisamment haut, il va souffrir pour passer à travers certaines choses. Il va souffrir pas pour passer à travers, il va souffrir parce qu'il va souffrir. Puis quand il y a des humains ici qui ont le taux vibratoire suffisamment haut pour cesser de souffrir, bien, eux vont continuer à souffrir. Le taux vibratoire, là, quand tu es capable de t'en sortir, ça ne garantit pas que tu t'en sors. Ça garantit que tu peux t'en sortir. C'est tout. Maintenant, il faut que tu t'en sortes. Il va s'en sortir quand il est prêt. Non. Il va s'en sortir quand il va s'en sortir. Oui. Mais là, il est... Quand il va s'en avoir sorti, c'est parce qu'il était prêt. On peut le dire, mais c'est pas nécessaire. C'est pas vrai. C'est pas ça. Oui, mais il s'agit de... Si quelqu'un conscientise la situation, il souffrira pas? Non, la souffrance, c'est pas une mécanique. Le fait de ne pas souffrir n'est pas une mécanique qui est reliée à ton état de conscience. Si ton état de conscience est à un certain... Okay, tantôt, et souffrir. Tantôt, là, prenons l'exemple de la petite fille, là, OK? On l'a mis entre parenthèses, un certain niveau. Mais si c'était une petite fille qui t'a suivi ici, puis qui serait, disons, de l'ordre d'être dans la moyenne du taux vibratoire de la salle, elle verrait peut-être pas de la même façon. Elle aurait peut-être les mêmes sentiments envers le gars, mais elle aurait la capacité... Non, elle serait montée de la même façon. Possiblement de... Regarde ceci, puis c'est correct que tu parles comme ça, parce que ça reflète la majorité des égos. Le fait d'avoir un taux vibratoire élevé ne garantit pas que ton bonheur est là. C'est pas une question de bonheur, c'est une question de souffrance. Bon, mais le fait d'avoir un taux vibratoire élevé ne fait pas que tu ne souffres pas. La souffrance élève le taux vibratoire. Non. Ça le fait. Ça ne l'a jamais fait. Daniel, les taux vibratoires sont plus hauts aujourd'hui qu'ils n'ont jamais été. Exact. Puis l'humain a souffert comme que d'une façon absolument écœurante. Exact. C'est ça qui l'a augmenté. On a fait une conférence une fois, tu as expliqué les mécanismes, comment ça fonctionnait. Ouais. Mais moi, je suis comme une plante. Je pousse. Regarde ceci. Quand je m'adresse à l'ego, là, je vais dire oui, vu qu'il est pogné dans la marde, il m'a dit la marde, c'est bon pour toi. Mais là, je dis pas que c'est bon pour lui, c'est bon tant que c'est bon pour lui. Ici, on a un gros bassin d'eau bouillante. OK? Il y a un morceau de... Il y a un clou qui flotte dans l'eau ici, là. Il y a un morceau de bois ici. Il y a un marteau ici. Si je fais bouillir ça, est-ce que le clou va finir par être planté par le marteau dans le morceau de bois, selon toi? Je m'attendais pas à ce que tu me poses une question, je ne vais pas écouter. Peux-tu répéter, s'il vous plaît? Alors ici, tu as un bécher, un bac, une chaudière, un chaudron, une bébelle. Oui. C'est sur un rond de poêle, ici, ça chauffe, l'eau bouille. Oui. Il y a un bloc de bois, il y a un marteau, puis il y a un clou. Oui. Penses-tu que si plus on fait bouillir l'eau longtemps, plus on a de chance d'avoir le marteau de taper le clou dans le morceau de bois? Oui. L'eau va s'évaporer. Puis le marteau va taper le clou dans le morceau de bois. L'eau va s'évaporer, puis là, tu vas pouvoir prendre le clou plus facilement. Il y a de l'eau qui coule sans arrêt dedans. Ah, ben là, c'est une autre condition. À ce moment-là, c'est non. Il y a quelqu'un qui prend des gants, bien correct, il descend ses mains dans l'eau bouillante, il prend le clou, il prend le marteau, il frappe le clou dans le morceau de bois. Qu'est-ce que tu en déduis, toi? L'eau bouillie pendant 2000 ans, c'est la preuve qu'il faut que l'eau bouille autour du clou du morceau de bois pour que le marteau plante le clou dans le morceau de bois. Que tu me dis, Daniel, un instant, il y avait de l'eau? Oui. L'eau bouillait? Oui. Le clou était planté? Oui. Donc, il faut que l'eau bouille pour que le clou se plante. Il manque un élément, les deux n'ont rien à voir. Okay. L'humain augmente son taux vibratoire en dehors de la souffrance. La souffrance, c'est ce qui fait à forcer l'ego à se diriger sans arrêt vers du neuf, ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, l'ego va finir par ramasser suffisamment d'informations pour être manipulable par le plan mental puis le plug à l'intelligence. Bon. Mais c'est pas la souffrance, ce n'est pas une chose nécessaire, ça n'a rien à voir. Puis comme si à un moment donné, tu me dis... Je n'ai pas dit, Daniel, que parce que ça s'est fait pendant 2000 ans, que ça va toujours se faire. L'homme a souffert pour rien. C'est possible. C'est certain. C'est possible, mais... On peut passer mes verres de contact. Il n'y a pas sur la planète quelqu'un qui est venu, il n'y a pas eu un avatar ou un instructeur qui est venu l'expliquer à l'homme. Et qu'est-ce que c'est qui, depuis le monde, depuis 30 000 ans, qui a affecté le plus l'être humain? Ça a été la souffrance. Oui, l'eau bouillante a affecté le bois énormément. Tout le temps. Alors, toi, tu viens dire aujourd'hui que ce n'était pas nécessaire, que tout ça a été là pour rien. C'est vrai. Pour quelle raison n'y a-t-il pas eu un avatar, un instructeur, qui serait venu sur la planète pour l'expliquer, ou du moins pour donner un autre chemin? Parce que même ces enfants de Nanam-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire... pour conscientiser des gens autour d'eux, ils les ont fait souffrir. Oui, mais moi, je suis un avant-raison. Les autres, ce sont des avatars. Un instructeur, d'abord. Oui, mais ce sont des avatars. Des avatars. Oui, mais tu sais... Moi, je suis un avant-raison. Oui, oui. Mais ce que tu dis, un jour, c'est sûr, quand le taux vibratoire est suffisamment haut, la souffrance n'est plus nécessaire. Non, la souffrance n'est pas nécessaire, elle n'a jamais été nécessaire, ce n'est pas utile. Les gens souffrent encore, c'est parce que les gens sont spirituels. Dans l'aspect des avatars qui sont passés des avatars spirituels. Nomme-moi un chemin, tu peux faire le procès. T'expliques la mécanique, là. T'expliques la mécanique en observant. Oui. Ah, j'observe même pas, là. Je la sens, je la sais. L'humain souffre pour rien. C'est inutile. Ça augmente pas son taux vibratoire, ça augmente pas son degré d'écœurement. L'humain souffre encore aujourd'hui, puis s'écœure pas de souffrir. Ça a permis à beaucoup d'humains de comprendre rien. Bien des affaires. Non. Sans la souffrance, ils auraient compris les mêmes choses au même moment. Il y aurait eu un autre mot. Okay. Au lieu de dire, est-ce que toi, tu peux me donner, est-ce que tu peux me donner des exemples que dans le passé, ça s'est produit ça? Ça n'a rien à voir. Non, mais si ça ne s'est pas produit, que le taux vibratoire... Lâche le poteau, je ne te touche pas à terre. Il n'y a pas de danger.